Demande à la tantine ou bien au tonton comment on cultive notre haine depuis nos champs de béton. T'as raison, je suis désordonné, j'ai la réplique à Vergès, l'humour à Dieu donné, je connais le geste. Alors dis-moi ce qui me reste à part le risque. Ce discours sur disque, ce rap intègre et intégriste. J'ai une liste, elle est noire et elle est longue. Et les paltrins, je suis venu vous faire de l'ombre sans qu'on m'invite, loin de ceux qui inventent. L'ennemi de l'ordre est dans tous les points de vente. Qui pue, qui fait peur au porc et autrui. Pour les trois necks, faites du bruit.